Vous êtes encore et toujours sur Radio Cayenne, toujours sous confinement. Je rappelle que, de toute façon, cette émission aura des rediffs mardi à midi, mercredi à 17h et jeudi à 20h. Bref, voilà, donc ça c'est pour la petite... intro, comme quoi vous êtes toujours et encore, encore et toujours sur Radio Cayenne. Moi maintenant, je vais vous lire un texte qui s'appelle « Nous ne voulons plus vos images » que j'ai trouvé sur Paris Lutte Info. Donc, « Nous ne voulons plus de vos images ». Lettre ouverte à ceux qui capturent sur la nécessité de filmer et diffuser un feu d'artifice quand celle-ci est tirée sur la police. Sur la nécessité de soutenir les insurgés sans les mettre en difficulté. J'étais venu en Espagne dans l'intention d'écrire quelques articles pour les journaux. Mais à peine arrivé, je m'engageais dans les milices, car à cette date et dans cette atmosphère, il me paraissait inconcevable de pouvoir agir autrement. George Orwell, hommage à la Catalogne, 1938. Nous ne voulons plus de vos images. Nous voudrions nous les procurer nous-mêmes aux côtés de ceux que vous filmez. Vous êtes-vous posé la question de l'utilisation de vos images? Détrompez-vous. On ne parle pas ici d'un débat qui semble clos et dont les conclusions semblent être évidentes. On ne parle pas des images de manifs où l'on peut discerner aisément les protagonistes d'une action jusqu'à la couleur de leur caleçon ou de la semelle de leurs chaussures. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements passés n'est que fortuite. Non, objectivement, ces images-là, on ne peut pas les prendre. Et quand individuellement, comprendre par là, en se dissociant du groupe, on prend le risque de les capturer, on ne peut pas les diffuser. Ceux qui le font s'associent objectivement aux preneurs d'images, avec les plus mauvaises intentions. S'associer au maintien de l'ordre et se dissocier par là du groupe qu'il médiatise. Médiatiser, définition. Rendre média, constituer un intermédiaire. Quel objectif donc pour ceux qui médiatisent? A priori, constituer un intermédiaire entre ce qu'ils voient et le plus grand nombre. Et chacun peut voir sa propre réalité dans les images. Quel objectif pour ceux qui se révoltent? Exprimer leur colère ou la médiatiser. Gagner une guerre ou livrer une bataille. Dans son livre « La domination policière » paru en 2012, Mathieu Régouste aborde très largement la question du rôle que jouent les médias dans le maintien de l'ordre militaro-policier. On pourrait même dire « maintien de l'ordre militaro-médiatico-capitalo-impérialo-colonialo-patriarco-policier ». En effet, les médias jouent un rôle dans le maintien de cet ordre-là. L'aspiration sans doute la plus partagée par les humains en ce moment doit être pour un autre futur. Parce que dire plus jamais comme avant, c'est nier que parmi nous, actuellement, certains, certaines distinguent pas d'avant, de pendant, d'après. Mais bien la continuité d'un monde et d'une domination. Alors cet ordre-là, pour le renverser, il faudra que nous soyons nombreux, nombreuses. Inutile de compter sur les médias pour jouer les intermédiaires entre les insurgés et les gouvernants-gouvernantes. Lorsqu'on est renversé, on le constate, on ne l'apprend pas par un intermédiaire. Cet ordre-là, beaucoup le contestent, chacun, chacune, selon ses possibilités, depuis des décennies. Aujourd'hui, c'est ce que font les émeutiers et émeutières partout dans nos banlieues qui s'embrasent et sont réprimés suite à la tentative d'homicide d'un flic de la BAC de Villeneuve-la-Garenne sur un homme à deux roues. Ils s'insurgent et nous voudrions les rejoindre plutôt que de les voir de loin. Nous voudrions être avec eux, par nos corps, en mouvement plutôt que de les voir de loin derrière nos écrans, nos corps confinés. Pour Mathieu Régouste, une véritable ingénierie de l'attention est à l'œuvre dans les quartiers populaires français. Elle se restructure en permanence. Chaque jour, chaque émeute, chaque insurrection est l'occasion d'exprimer une contre-insurrection médiatique et policière. Les doctrines de contre-insurrection sont organisées autour de l'articulation d'un versant de propagande, des structures d'action psychologique et de et de conquête des cœurs et des esprits, et d'un versant de coercition combinant des forces d'occupation et de quadrillage militaro-policier, avec des techniques de contre-guérilla et d'extrême brutalisation. C'est dans cette doctrine du « heart and mind », cœur et esprit, que les médias et la médiatisation ont leur rôle à jouer. C'est dans ce cadre-là qu'ils le jouent actuellement. Que nous, au sens de tous ceux qui ont de l'empathie pour les insurgés, recevions les images prises à la volée, ici ou là, d'un feu d'artifice, à ne pas confondre avec du mortier, ou d'une voiture qui brûle avec bonheur et bienveillance, il faut bien le dire, c'est une chose. Mais ces images sont rendues publiques. Elles sont mises à disposition de toutes et tous, y compris ceux qui n'ont pas d'empathie ni de bonnes intentions. Ceux qui mènent la contre-insurrection endocoloniale, voire Mathieu Régouste encore, et ceux qui la soutiennent, consciemment ou non. Alors s'il vous plaît, cessez de nous proposer vos images qui nous informent si peu et nous inquiètent tant pour les insurgés. Cessez de proposer vos images en toute connaissance de cause, qu'elles seront récupérées et diffusées par la police elle-même sans intermédiaire. Voilà, donc ça c'était pour le texte. Maintenant, on va vous passer une petite musique et on revient après, promis. Cette chose étrange que l'on appelait espace public, près des arbres et sous leurs branches, rencontraient les impudiques. Sur l'agora ou dans les ruelles de Paris s'organisait la révolte du peuple et des petits. La société de la discipline où l'enfermait ou exilait les disciples de Kropotkine. Puis vint la modernisation avec sa culture et sa surinformation. Le pouvoir, les décideurs trouvèrent l'arme télévision pour nous enfermer dans la peur, le mensonge, la lobotomisation. Et ils osent appeler ça instrument de communication alors qu'il n'y a qu'un sens de circulation. Ils nous crachent dans la bouche leur propagande et nous avalons. Bien heureux de pouvoir se rendre en famille chez Auchan. Dès l'enfance on donne un rôle, pose pas de questions, joue le vêtement, immergé intégralement, aveugle pion de la société de contrôle. Contrôle. C'est un monde dont la force est l'ignorance, où la terre rabonde et où le présent est non-sens. Passé estropié et futur interdit, société sous contrôle où la pensée est un symptôme de maladie. C'est écrit pour gommer les différences, vider l'être de son humanité et en faire un reverence. L'arborescence effectuée en contrôlant ton ADN, que les esprits deviennent adorateurs pour correspondre au modèle. Surveillé dans le privé, l'intime, l'individu perd l'étincelle et devient un être servile. Et quel signes de vie ruisselle, et puis s'estompe en une sorte de sommeil éternel. Rentre dans le schéma du système, l'histoire fait flipper à l'extrême. Pas comme si des signes avant-coureurs de ce genre de monde étaient si blêmes. Sélection génétique pour résoudre les problèmes, écartèlement électrode pour faire obéir sur long terme la race humaine a pris du ferme. Je n'ai plus de sentiments, on me les a interdits. On m'a lavé le cerveau et m'en servir, on me l'a interdit. On m'a dit de suivre un modèle et j'ai obéi. Je suis un rouage de la machine, j'ai ma place dans cette industrie. Ma vie ne se résume qu'à surveiller mes congénères. La gueule devant mon moniteur, je génère des tonnes et des tonnes de rapports, y compris sur mes confrères. La délation coule en moi comme le sang dans mes artères. J'ai oublié ce qu'était mon passé, effacé toute trace de ce que pouvait être la liberté. Je n'ai même plus besoin de regretter. Quelqu'un s'occupe de ma place, de ce que je dois penser dans cette société. Je me dis que je suis indispensable, pas comme le mec d'à côté qui était pas assez rentable. Il a fini au sous-sol, torturé, puis criblé de balles. 1984, c'est la réalité, elle avance à fond la tchale. Je vais les savoir, dans les poubelles de l'histoire, mais sans des vrais morts génois, laisse des traces dans les mémoires, veulent nous la jouer. 1984, entre Mirador et Sinestro, faut continuer à se battre, on ne veut pas qu'un meilleur texte. Je vais les savoir, dans les poubelles de l'histoire, mais sans des vrais morts génois, laisse des traces dans les mémoires, veulent nous la jouer. 1984, entre Mirador et Sinestro, faut continuer à se battre, on ne veut pas qu'un meilleur démon.